Demander, dans le sens de poser une question, se dit preguntar. Preguntar. Alors, j'aimerais vous demander quelque chose. A usted, ça sera... Me gustaría. D'accord. Me gustaría. Vous demandez... Preguntarle. Preguntarle. Très bien. Quelque chose. Algo. Algo. D'accord. Me gustaría preguntarle algo. Et je lui demanderai plus tard, au futur. Le preguntaré más tarde. Le preguntaré más tarde. En effet. Et je vais lui demander plus tard. Comment dit-on je vais, je m'apprête à... Boya. Boya, bien sûr. Donc, je vais lui demander plus tard, c'est... Boya preguntar. Lui demander. Ah oui. Boya preguntarle. D'accord. Boya preguntarle plus tard. Más tarde. Bien. Boya preguntarle más tarde. Je vais l'appeler plus tard pour lui demander s'il peut venir le voir avec nous ce soir. Je vais l'appeler plus tard. Boya. Boya. Llamarle. Boya llamarle, oui, plus tard. Más tarde. C'est ça. Boya llamarle más tarde. Je vais l'appeler plus tard. Pour lui demander. Para preguntarle. Oui, para preguntarle. Pour lui demander s'il peut venir le voir avec nous ce soir. Si, si, si, si, il peut, puede, venir le voir, venir, venir a verlo, d'accord, venir a verlo, avec nous, hein? Avec nous se dit con, nosotros, con nosotros, ce soir, con nosotros, esta noche. D'accord. Donc, encore une fois, voy a llamarle más tarde, je vais l'appeler plus tard, para preguntarle, pour lui demander, si puede, s'il peut, venir a verlo, venir le voir, con nosotros, avec nous, esta noche, ce soir. Voy a llamarle más tarde, para preguntarle si puede venir a verlo con nosotros esta noche.